Bonsoir les Milky Way viennent, bonsoir les Milky Way viennent, votre émission tant attendue est là. C'est Milky Waves sur Vibration. Avec le Raph au micro et pour ce 11e épisode, c'est DJ Fire qui est au mix. Alors ensemble jusque 22h, avec DJ Fire, il nous a fait une chouette petite sélection. On commence tout de suite avec Prida, c'est la star Eric Prydz évidemment, le DJ et producteur suédois. Et son titre c'est Fat, F-A-T. On écoute ça. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, DJ Fire. C'était Prida avec Fat. Et maintenant on passe à l'artiste Matthew Johnson et le titre Level 7 Dixon Remix. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Matthew Johnson avec Level 7 Dixon Remix. À suivre, un DJ producteur de musique électronique de Tel Aviv qui réside en Ukraine d'ailleurs maintenant. Il s'agit de Matan Kaspi avec son titre Red the Bar. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Nous venons d'écouter Matan Caspi avec Red the Bar. Vous écoutez Vibration avec le Raph au micro, c'est DJ Fire qui est au platine aujourd'hui. Toujours Vibration 107.2 Bruxelles, 91.0 Mons et Vibration.fm pour les internautes évidemment. À suivre, un artiste né en 85 à Vladivostok. Il s'agit de Dimitri Lys et le titre c'est Superintendence, un Project KF Remix. I'm about to find This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était Superintendence de Dimitri Lys, un Project KF remix. À suivre, les Route 66 Lovers, qui reprend un titre bien connu puisqu'il a été créé par les Cutting Crew en 86. C'était un tube. Et le titre, c'était I Just Died in Your Rhymes Tonight. Allez, on y va, on écoute ça. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, DJ Fire. Nous venons d'écouter les Route 66 Lovers avec le tube de 86 I Just Died in Your Rhymes Tonight. Toujours sur Vibration avec le Raph au micro et DJ Fire au platine. On continue avec le Mexicain expérimenté puisque bon, il est né en 76. Hein. Un habitué du Amnesia Ibiza, bien connu. Hein. Il s'agit de Betoco avec le titre Dance on My Feet. C'est parti. We'll be right back. c'était Betoko avec Dance on My Feet. Alors on entame cette deuxième partie d'émission avec le duo allemand basé à Hambourg. Ils ont fondé KD Music, c'est Kaiser Disco. Et le titre Night and Day, Kölsch Remix. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Everybody, everybody. c'était Kaiser Disco avec Night and Day. Et maintenant, on écoute le russe Das Smoking Frogs. Ça doit vouloir dire la grenouille qui fume. Avec Your Smile. Un original mix. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, DJ Fire. C'était les Das Smoking Frogs avec Your Smile. toujours sur Vibration avec le Raph au micro et DJ Fire. On passe à l'allemand Simon Gartner, alias Deeply High, avec le titre We Are, un très chouette titre. We are what we do. C'était We Are de Deeply High. Et maintenant, on passe à l'israélien Moshik, qu'on a déjà entendu sur Milky Waves. Cette fois-ci, il nous revient avec le titre Sok 10. Nous venons d'écouter Moshik avec Sock Tis. Et on enchaîne tout de suite avec le Milanais Fanny Cadeo avec son titre I Want Your Love, Mr. Marvin Mix. C'était Fanny Cadeo avec I Want Your Love, Mr. Marvin Mix. Et nous allons nous quitter avec un titre cultissime de Kate Bush. C'est Running Up That Hill et c'est remixé par Pat. Patrice Baumel. On écoute ça, c'est une tuerie. Voilà, Milky Wave, c'est déjà fini. Il est bientôt 22h. L'heure de vous coucher pour être en forme demain, ou pas. Allez, je vous laisse là. À la semaine prochaine, avec grand, grand, grand plaisir. Dimanche, 21h, n'oubliez pas. Bye bye. See you.